La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, une foule, cela marche comment ? D'un point de vue théorique, on appelle foule toute multitude de personnes rapprochées les unes des autres. Concrètement, une foule est une créature bizarre, versatile, protéiforme, qui vit dans les transports en commun aux heures de pointe, dans les stades de football les jours de match, dans les galeries commerciales au moment des soldes, ou bien encore dans les grandes avenues, en certaines occasions plus ou moins manifestatoires. La foule a un côté obscur, parfois terrifiant, qui se montre lorsqu'on lui fait peur, lorsqu'on la frustre, ou lorsqu'elle n'a pas assez d'espace pour se déplacer. Elle peut chanter, danser, puis d'un seul coup, se mettre en colère et tout casser. Dans son livre « Les derniers jours », Raymond Queneau parlait d'une foule qui se marchait sur les pieds, s'enfonçait les côtes à coups de coude, se crachait dans le dos, d'une foule rognonneuse, ténébreuse, avagivitévé, ce qui veut dire, je crois, agitée en javanais. Mais la foule peut aussi manifester une sorte d'intelligence collective, émettre des jugements, faire des choix plus ou moins judicieux, par exemple décider des chanteurs qu'il faut aimer ou des plages qu'il faut fréquenter. Bref, la foule a mille et un visages et de multiples comportements, difficiles à synthétiser en une seule image. C'est pourquoi elle intéresse désormais les scientifiques, qu'ils soient biologistes, physiciens, mathématiciens, informaticiens, psychologues. En croisant leurs travaux, tous veulent comprendre comment ça marche une foule, même lorsqu'elle ne marche pas. Et pour discuter de tout cela, j'ai invité Mehdi Moussaïd. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes foulologue, spécialiste de la foule, plus précisément chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institute de Berlin, et vous étudiez les foules depuis 10 ans, et vous avez publié tout récemment un livre intitulé « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous ». Alors comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser aux foules ? À l'origine, c'était pas particulièrement les foules qui m'attiraient, je voulais surtout devenir scientifique. C'était la science qui m'attirait. Et c'est un concours de circonstances qui m'a conduit vers ce sujet de thèse. C'était à Toulouse, il y a une dizaine d'années. J'ai découvert cette petite annonce, les foules. Au début, ça me parlait pas beaucoup. Je me demandais ce que ça allait être. Et petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à découvrir cette drôle de créature. Alors au début, il s'agissait que de piétons hein, qui marchent dans la rue. Puis petit à petit, j'ai compris qu'une foule, c'était aussi... Un grand nombre d'individus, par exemple des gens pendant les grands rassemblements comme les pèlerinages religieux ou les festivals de musique, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être euphoriques. Puis j'ai aussi compris que les foules, ça pouvait être des internautes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, ils sont pas proches les uns des autres, en tout cas pas physiquement proches. Ils sont pas physiquement proches, mais il y a un élément qui est très important, c'est qu'ils interagissent. Et c'est les interactions sociales qui définissent la foule. Alors, dans un livre bien connu qui s'appelle « Le métier de vivre », l'écrivain italien Cesare Pavese écrit « Il est beau d'écrire parce que cela réunit les deux joies, parler tout seul et parler à une foule ». Alors, quand vous avez écrit ce livre « Fouloscopie », est-ce que vous avez l'impression de parler tout seul et en même temps de parler à votre futur public ? J'ai beaucoup l'impression... Donc j'espère qu'il sera une foule. J'espère aussi. Oui, j'ai beaucoup l'impression de parler tout seul, parce qu'en fait, écrire, c'est une activité qui est très solitaire et qui dure longtemps. Donc, au bout d'un moment, on est enfermé, puis on oublie un petit peu que c'est quelque chose qui va être lu par une foule de personnes. Enfin, en tout cas, qui est supposé être lu par une foule de personnes. Et puis, petit à petit, on commence à avoir des retours et on se rend compte qu'effectivement, il y a du monde qui a lu ce qu'on a écrit et ça fait plaisir. Alors, venons-en à l'objet de vos études, de vos travaux de recherche, la foule, les foules. Mmh. Il y en a partout, les foules. Enfin, on sait où les trouver. Donc, vous êtes un peu comme un médecin qui serait en permanence entouré de malades. Est-ce que les foules arrivent à vous laisser en repos? Non, elles n'arrivent pas à me laisser en repos. Il y a des distorsions professionnelles en permanence dans la vie d'un foulologue. Je ne peux pas aller chercher une baguette de pain sans regarder de quel côté les gens m'ont croisé. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis en permanence en train de regarder comment se propagent les rumeurs, les informations, ce genre de choses. Alors, c'est perturbant. Justement, un de vos premiers travaux de recherche, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux personnes se croisent dans un couloir? Je marche dans un couloir, arrive une personne qui marche dans l'autre sens et que je vais donc croiser. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais l'éviter par la droite ou par la gauche? Ouais, alors c'est le tout premier projet de recherche que j'ai eu au début de mon doctorat, donc que j'ai pas choisi, hein, qui m'a été confié par mon directeur de thèse, donc Guy Terolaz, hein, qui est à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et autour de cette question, comment se croisent deux piétons? Alors au début, je comprenais pas vraiment la portée de ce problème. Je me disais, bon, dans le fond, que je passe à droite ou à gauche quand je croise quelqu'un, ça a aucune importance, c'est pas bien grave. Mais en réalité, c'est une situation qui est assez intéressante. Parce que quand deux personnes se croisent, elles doivent choisir le même côté. Elles peuvent passer toutes les deux à droite ou toutes les deux à gauche, auquel cas elles arriveront à se croiser. Mais si elles choisissent... Sauf si l'espace autour d'elles est suffisamment grand pour que ça n'ait pas d'importance. Absolument, en supposant qu'elles arrivent face à face dans un endroit assez étroit. Un couloir. Par exemple, ou un trottoir. Mais si les deux personnes choisissent un côté différent, elles devraient se rentrer dedans. Elles ont donc besoin de se coordonner. Et cette décision, droite ou gauche, les piétons vont la prendre en quelques secondes et sans communiquer. Par conséquent, on peut faire l'hypothèse qu'elles choisissent au hasard. Mais si elles choisissent au hasard... Il y a des collisions. Une fois sur deux, on devrait se rentrer dedans. Or, c'est pas le cas. Du coup, il y avait effectivement un petit mystère. Et on a organisé cette expérience assez fastidieuse. On a recruté des paires de participants, on a construit un petit couloir, et puis on leur a demandé de se croiser. Donc les participants se croisent un certain nombre de fois, et puis on les paye, et ils rentrent chez eux, et les suivants arrivent, et ainsi de suite. Ça doit coûter cher, parce qu'il faut beaucoup de monde pour que précision soit bonne. Absolument, il faut un échantillon suffisamment grand, donc ça coûte le prix d'une expérience qui est de toute façon assez commun, quelques milliers d'euros. Mais il suffit pas de regarder les gens dans la rue, par exemple, de choisir un trottoir étroit et de filmer? Absolument, alors on peut faire les deux méthodes. Il y a une partie de mes observations que je fais directement dans la rue, donc pour ça il faut trouver un endroit un peu surélevé et faire des enregistrements vidéo, donc je fais ça très souvent. Je me suis retrouvé par exemple sur le toit du Capitole à Toulouse une fois pour filmer les piétons, et à d'autres endroits parfois un peu insolites. Et ça a l'intérêt de mesurer les vrais comportements qui sont effectifs dans la vie de tous les jours, mais ça a le désavantage de manquer de contrôle. Et si on veut gagner du contrôle, on organise une expérience. L'expérience qui a aussi des inconvénients, puisqu'on a des comportements qui sont parfois un petit peu stéréotypés, dans le sens où les gens savent qu'ils font partie d'une expérience. Bon. Donc mais si je comprends bien, pendant une année, vous avez regardé les gens se croiser. J'ai regardé les gens se croiser, j'ai regardé aussi des caméras de vidéosurveillance, des webcams. Vous savez, il y a des webcams connectées dans différentes villes du monde, et on peut se connecter, par exemple, sur Times Square, et puis regarder des heures et des heures de vidéos. Donc j'ai fait ça aussi avec un stylo et un papier, je regardais de quel côté se croisent les gens. Alors, quel est le résultat? Et donc, on cherchait à savoir si les piétons s'échangeaient une information pour se coordonner, pour dire « Ok, on va passer à droite » ou « Ok, on va passer à gauche ». Et nos résultats montrent que non. Les piétons ne se regardent même pas, la plupart du temps. D'ailleurs, ils choisissent leur côté d'évitement avant même d'avoir fait le premier pas. On voit que déjà le premier mouvement détermine le côté d'évitement. Spontanément, en France, ils vont passer à droite. Dans nos observations expérimentales, 80%. 82% des piétons choisissent la droite spontanément. Et en fait, ça s'appelle une convention sociale. C'est une règle implicite qui est partagée par l'ensemble de la population et puis qui va permettre aux piétons de se coordonner. Qui n'est écrite nulle part. Qui n'est écrite nulle part, qui est une règle en réalité émergente. Dans différents pays du monde, on trouve différentes conventions. Donc certains piétons, dans certains pays, vont s'éviter par la droite, et puis dans d'autres pays, vont s'éviter par la gauche. Donc qu'est-ce qui amorce cette brisure de la symétrie? Parce qu'il y a une brisure de symétrie, du absolument, coup. Ouais. Alors, une fois qu'on a observé ça, on s'est tout de suite posé la question, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que dans un pays donné, tout le monde partage cette même règle alors que personne ne l'a vraiment décidé? Première hypothèse, c'est une copie du code de la route. On s'est dit, oui, peut-être que les piétons, en fait, sont des automobilistes qui marchent. Et on est donc allé regarder s'il y avait une correspondance entre les deux. Et effectivement, il y a une corrélation, mais une corrélation seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des contre-exemples. Par exemple, dans le cœur de Londres, sur Oxford Street, les piétons vont s'éviter par la droite, alors que les automobilistes roulent à gauche. Et l'explication qui est la plus communément partagée par les scientifiques, c'est que c'est un comportement que nous apprenons petit à petit. Les piétons, lorsqu'ils s'évitent, vont avoir tendance à retenir les côtés qui ont marché et les côtés qui n'ont pas marché. Et à chaque fois, ils vont changer leur probabilité de choisir la droite ou la gauche en fonction de ce qui a marché par le passé. Si vous faites ce petit apprentissage social à l'échelle d'une population, émerge soudainement une préférence commune. Alors si c'est bien la bonne explication, ça veut dire qu'un Français qui serait éduqué au Japon, rentrant en France, aurait des collisions ? pendant un certain temps. Mais comme l'apprentissage social continue de fonctionner, au bout d'un moment, cette personne va finir par s'adapter. Et ce processus d'apprentissage est influencé par d'autres facteurs, dont le code de la route. Ce qui explique qu'on ait une corrélation, mais imparfaite. Donc c'est une combinaison. Mais par exemple, les gauchers, les droitiers réagissent de la même façon? Dans nos données, oui. C'est une question qu'on me pose souvent, si la latéralité du corps humain avait un impact. Et je n'ai pas trouvé d'études particulières à ce sujet. Donc, a priori, droitier-gaucher n'a pas d'influence. Mais alors, Mehdi Moussaïd, ça veut dire que dans ce cas-là, on a le droit de parler d'une coordination sans coordinateur. Absolument, une coordination sans coordinateur. Qui est le résultat d'une sorte d'apprentissage collectif. Collectif et inconscient. Absolument, d'un apprentissage collectif. Là où ça devient vraiment fascinant, parce que à la fin de cette expérience, je me disais, ce sont des piétons, c'est pas vraiment une foule. Pour qu'il y ait une foule, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce petit biais comportemental, le fait qu'on s'évite par la droite, a un impact à l'échelle collective, à l'échelle de la foule. Si vous observez maintenant, non pas deux piétons qui se croisent, mais deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, comme dans une rue commerçante, par exemple, un samedi après-midi. On a fait nos observations sur la rue Sainte-Catherine de Bordeaux, pour ceux qui connaissent, qui est un très très long axe piéton. Le fait que les gens s'évitent par la droite, systématiquement, va avoir une conséquence à l'échelle collective, qui est que le trafic va se structurer spontanément. Tous les gens qui se déplacent dans la même direction vont occuper la moitié droite de la rue, et ceux qui se déplacent dans la direction opposée vont occuper la moitié droite relativement à leur sens de marche. C'est comme si la foule avait décidé de se partager l'espace disponible. Comme la route pour les voitures. Comme sur la route. D'ailleurs, on appelle ça une autoroute de piétons. Et quand cette autoroute est en place, l'efficacité du trafic piétonnier est bien améliorée. C'est assez fascinant parce qu'on se dit, tiens, la foule, dans son ensemble, s'est structurée d'une certaine manière qui lui est bénéfique. Une forme, c'est la première fois que j'y ai pensé, une forme d'intelligence collective peut-être. D'ailleurs, en parlant de ce processus d'organisation, vous évoquez l'exemple des colonies de fourmis. Au Brésil, paraît-il, il y a des espèces de raids de chasse que ces fourmis organisent, qui s'appellent des marabuntas. Et on voit des colonnes de fourmis qui font 200 mètres de long, 2 mètres de large. Et comment est-ce qu'elles font pour éviter les embouteillages? D'autant qu'elles vont dans les deux sens. Absolument. Donc ce sont des fourmis légionnaires. Et petite note rapide, effectivement, j'ai fait mon doctorat dans un laboratoire d'éthologie et j'étais entouré de chercheurs qui étudient le comportement des animaux sociaux. J'étais le seul dans mon laboratoire à étudier les humains. Et parmi mes collègues, certains étudiaient les troupeaux de moutons, d'autres les bancs de poissons, et il y a un certain nombre qui étudiaient les colonies de fourmis. Quand j'en suis arrivé à étudier ce problème du trafic bidirectionnel, donc des piétons, j'ai cherché des analogies avec les animaux et on trouve effectivement cette espèce de fourmi qui organise des pistes sur lesquelles le trafic est bidirectionnel. Il y a des fourmis qui se déplacent de leur nid vers la source de nourriture et d'autres qui reviennent de la source de nourriture vers leur nid. Et sur ces pistes, on retrouve des autoroutes de fourmis, qui ne sont pas exactement organisées comme les autoroutes de piétons. Chez les fourmis légionnaires, vous avez un flux qui occupe le centre de la piste et le flux opposé occupe les deux parties latérales de la piste. Donc vous avez en quelque sorte trois voies. L'explication de cette différence entre les piétons et les fourmis, c'est que le mécanisme qui est derrière n'est pas le même. Chez les piétons, je vous l'ai dit, c'est le fait que les gens préfèrent s'éviter par la droite. Chez les fourmis, au contraire, c'est parce que les individus qui reviennent de la source de nourriture sont chargés de nourriture et donc plus de mal à se déplacer de droite à gauche, à tourner. Par conséquent, les fourmis qui reviennent ont tendance plus à marcher en ligne droite, alors que celles qui sont libres ont tendance plus à s'écarter. Et ça va créer cette... Donc c'est une cause mécanique, on pourrait dire. Oui, c'est une cause mécanique, en termes de locomotion. Et lorsque vous décrivez ce processus, dans votre livre, vous parlez, Mehdi Moussaïd, d'auto-organisation. Mot magique. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un mot-clé qui détermine le fait qu'un système va réussir à s'organiser, donc à s'auto-organiser, à former une structure collective, sans que personne ne l'ait vraiment décidé, uniquement à partir des interactions qui sont en place entre les individus. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, lisant votre livre, je ne m'attendais pas à entendre parler de physique des particules. À un moment, vous parlez du LHC, le collisionneur de protons du CERN, qui a permis la découverte du boson de Higgs il y a quelques années. C'est une machine circulaire dans laquelle des protons tournent dans un sens et entrent en collision avec des protons qui tournent dans l'autre sens. Et apprenant l'existence de cette machine, ça vous a donné une idée pour un protocole expérimental. Comme quoi la physique des particules a de retombées, y compris dans le domaine de l'éthologie ou de la fouloscopie. C'est très juste. J'étais donc dans, pour faire une petite introduction, j'étais donc dans un laboratoire de biologistes. Nous étudions le comportement des animaux sociaux. Mais j'ai fait une partie de mon doctorat dans un laboratoire de physique. Et on parlera de physique plus en détail après. Et ce mélange des disciplines scientifiques nous a effectivement inspiré à un protocole expérimental. Donc c'est toujours sur le thème de ces autoroutes de piétons que nous voulions cette fois-ci observer en expérience pour avoir plus de contrôle. Sauf que pour voir ça en expérience, il nous faudrait un couloir extrêmement long que nous pourrions charger de centaines de participants qui pourraient se déplacer pour former des autoroutes, ce qui est vraiment très difficile à organiser. L'idée, du coup, c'est d'imiter un petit peu ce qui a été fait avec l'accélérateur de particules, à savoir de prendre les deux extrémités d'un couloir et puis de les connecter les unes aux autres, formant ainsi un couloir circulaire. Dans ce couloir circulaire, on peut mettre un certain nombre de participants et donner l'instruction à la moitié d'entre eux de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'autre moitié de se déplacer dans le sens opposé. On observe ainsi un trafic bidirectionnel continu qui nous permet effectivement de mieux contrôler le phénomène. Et on voulait savoir dans cette expérience si on pouvait reproduire ces autoroutes de piétons. Donc on place nos participants de manière complètement aléatoire dans ce couloir circulaire au début. Certains vont tourner dans un sens, d'autres dans l'autre. Mais ils n'ont pas de consigne autre que devoir tourner. C'est la seule consigne qu'ils ont eue. Leur seule consigne, c'est le sens de la marche. Au début, ils sont mélangés, donc désordonnés, et on leur donne le top départ, et on se demande si l'ordre, à savoir les autoroutes de piétons, ou la ségrégation des flux, va pouvoir apparaître spontanément sans qu'on leur ait donné aucune instruction. Pendant les premières secondes, comme vous pouvez imaginer, le système est un petit peu chaotique, à savoir que les gens se rentrent dedans, c'est vite, c'est un petit peu difficile. Ça prend une vingtaine de secondes, et après 20 secondes, vous avez une organisation quasi parfaite. Mais quelle est la circonférence de ce cercle ? On avait, dans notre couloir, on avait une soixantaine de participants, et puis le cercle était relativement petit, d'à peu près 5 mètres de rayon. On fera la même chose à la maison de la radio, qui est circulaire, avec un diamètre plus grand. Ouais, par exemple, ouais. Il faudrait beaucoup de monde pour le coup. Il y a du monde. Un élément intéressant sur cette expérience. Lorsque l'autoroute est en place, le trafic piétonnier est fluide. À savoir que les piétons n'ont plus besoin de s'éviter, donc ça tourne, ça marche bien. Cependant, la vitesse de marche, la vitesse de déplacement de l'ensemble est un petit peu plus faible que ce qu'auraient pu avoir les individus seuls, en particulier ceux qui veulent se déplacer rapidement. On a dans la foule des fois des individus qui sont pas satisfaits de marcher lentement et qui se disent « moi je voudrais aller plus vite » et donc ils vont sortir de leur voie, de leur flux, pour aller doubler. Ce faisant, ils se retrouvent face à face avec le flux opposé, qui vont scinder ou diviser, ils vont créer une petite perturbation. Et à partir de ce moment-là, cette perturbation va s'étendre à l'ensemble du dispositif. Et soudainement, les autoroutes vont disparaître. Elles vont disparaître pendant un moment, mais le système a tendance à les pousser à réapparaître. Donc on va avoir une phase de désordre qui va durer une dizaine de secondes, qui est exclusivement due à ce premier piéton qui a fait quelque chose de non conventionnel dans ce sens. Donc ce que vous expliquez, c'est que les autoroutes de piétons qui se forment par auto-organisation, on pourrait dire, sont très instables. Dès qu'il y a une petite perturbation... Elles sont d'autant plus instables que le désir de marcher vite des piétons va être grand. Donc si vous avez veulent aller vite qui ralentissent le groupe ou qui désorganisent les flux. Qui désorganisent le flux, sauf que eux personnellement vont réussir à aller plus vite parce qu'ils vont effectivement doubler et marcher vite. Donc dans leur intérêt individuel, ils vont réussir à aller plus vite, mais au détriment de l'intérêt collectif. Alors on en parlera parce que dans les phénomènes de panique, c'est un paramètre important d'après ce que j'ai compris en vous lisant. Ouais. Mais moi, je connais rien aux foules, a priori, mais je me dis, une foule, ça doit de temps en temps ressembler à un liquide. Ouais. Et d'autres fois, quand la densité est plus faible, ça doit ressembler à un gaz, avec des particules qui seraient l'équivalent, enfin, les piétons seraient l'équivalent des atomes dans un gaz ou des molécules. Est-ce que c'est une bonne approche? Et si oui, laquelle des deux est la meilleure? C'est probablement la chose qui m'a le plus étonné quand j'ai commencé à travailler sur les foules. C'est de voir que la communauté de chercheurs qui était la plus impliquée, c'était les physiciens. Et je trouvais ça très bizarre de décrire le comportement des gens à l'aide d'outils de la physique. Je n'ai pas l'impression, quand je marche dans la rue, qu'on puisse utiliser une équation pour déterminer mon comportement. Je suis quand même libre d'aller où je veux et ce n'est pas une formule qui va choisir ça. Mais effectivement, d'un point de vue historique, c'est une idée qui est apparue dans les années 70 par un physicien, ingénieur, qui s'appelle Leroy Anderson. et qui est le premier à avoir défini un cadre théorique pour définir pour déterminer le comportement de la foule, qui est celui de la mécanique des fluides. Il a dit, peut-être qu'une foule dans une rue ressemble à un liquide dans un tuyau et qu'on pourrait utiliser la mécanique des fluides pour décrire le comportement de la foule. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien dans la mesure où il y avait beaucoup de monde. À partir du moment où il y avait moins de monde, et donc que les individus avaient peut-être un peu plus de liberté, ces équations ne marchaient plus très très bien. Dans les années 90, un autre physicien qui s'appelle Dirk Elbing, qui était aussi un de mes directeurs de thèse, a eu une autre idée. Il a dit, à des densités intermédiaires, on va plutôt que considérer que la foule est un liquide, on va aller dire que les individus sont des particules. Un peu plus avec une analogie avec un gaz. Et là, ça marche effectivement très bien. Sauf quand on diminue encore la densité. Et quand on diminue encore la densité, les individus ont tellement de liberté de mouvement. C'est plus une foule. C'est toujours une foule parce qu'ils sont en interaction, les piétons dont on parlait tout à l'heure qui s'évitent à droite et à gauche. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser les sciences comportementales, l'éthologie, voire même la psychologie pour décrire le comportement. Donc si je comprends bien que la densité est importante, la psychologie des individus n'a aucun rôle. Et quand la densité devient faible, elle peut jouer dans le comportement des piétons. C'est quelque chose que je trouve absolument fascinant, à savoir que le simple fait d'augmenter le nombre d'individus va nous faire passer d'une discipline à l'autre, de la psychologie aux sciences comportementales, à la mécanique newtonienne, à la mécanique des fluides. Est-ce que c'est l'équivalent d'une transition de phase ? Oui, a priori, même si je pourrais pas être catégorique à ce sujet, puisque les transitions, par exemple, entre les sciences comportementales et les sciences plus physiques vont se produire autour de 6 personnes par mètre carré, à partir du moment où il va y avoir des contacts physiques entre les gens. 6 personnes par mètre carré, c'est plus que le métro parisien. C'est plus que le métro parisien. En général, quand on se sent mal à l'aise dans le métro, que c'est bondé, on est autour de 4. Ouais. On est autour de 4. Dans la vie quotidienne, on va être typiquement autour de 1, 2. Voire moins, et les densités les plus importantes qu'on ait jamais observées sont de 9 personnes par mètre carré. C'était à la Mecque lors du pèlerinage. On en parlera, mais là il y a des morts du coup. Oui, là, absolument. Quand on est à ce niveau de densité, c'est très dangereux. Alors vous dites que les physiciens sont intéressés aux foules décrites comme un fluide, disons, à partir des années 70 du siècle dernier. Mais il me semble que le premier livre sur les foules, c'est celui de Gustave Le Bon, à la fin du 19e, qui s'intitule « La psychologie des foules ». Donc pour lui, la physique jouait aucun rôle, c'était simplement le fait que dans une foule, il y a des comportements qui sont plus bêtes que ceux des individus qui la composent. Le tout est moins que la somme de ses parties, on pourrait dire. Absolument, d'ailleurs c'est dans le livre, dans « La psychologie des foules ». Donc c'est Gustave Le Bon qui est quand même le père de la psychologie sociale et qui a publié cet ouvrage remarquable, hein, qui a eu une très forte influence. En fait, il a écrit sur tous les sujets, je crois. Hein. Oui, d'ailleurs, sur un grand nombre de sujets. Grand polygraphe. « La psychologie des foules », c'est le titre du livre. Et c'est là que ça devient super, c'est qu'on parle de biologie, d'éthologie, de sciences cognitives, on parle de physique, et puis on a une troisième communauté de chercheurs qui arrive et qui dit non, il y a aussi de la psychologie. Et il y en a encore d'autres, on pourrait citer aussi les économistes, par exemple, qui étudient le comportement collectif des consommateurs. On pourrait étudier les épidémiologistes qui vont s'intéresser à la propagation des rumeurs et des informations, ou les informaticiens et les infographistes qui s'intéressent à l'animation des foules. Donc c'est vraiment un sujet qui touche toutes les disciplines, sur lequel d'ailleurs j'avais beaucoup de mal à mettre une étiquette. Pendant très longtemps, on m'a demandé mais en fait, c'est quelle discipline ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quand je disais j'étudie les foules, on me disait parfois « Ah, tu es physicien » ou « Ah, tu es psychologue ». Mais non, pas vraiment, je suis ni physicien ni psychologue en réalité. Et c'est comme ça qu'est arrivé le mot « fouloscopie ». Parce qu'un jour, je me suis dit « Il faut que je mette une étiquette sur cette discipline » et puis j'ai emprunté ce terme à une illustratrice qui s'appelle Marion Montaigne. Alors, j'avais une question à vous poser, Mehdi Moussaoud, à propos de... On vient bien comprendre en vous écoutant qu'il y a beaucoup de sortes de foules différentes, mais quand même il y a des foules qui se créent par volonté de faire foule, je pense aux manifestations, les gens veulent être nombreux et s'organisent pour être aux mêmes endroits en même temps, et donc ils sont solidaires d'une certaine façon dans le fait de constituer une foule, et puis il y a d'autres foules qui nous sont imposées, on se retrouve dans la foule sans l'avoir voulu, par exemple au moment des soldes ou bien dans le métro. Est-ce que ces deux types de foules dont l'intentionnalité n'est pas la même ont des comportements différents? Disons d'une manière générale que le fait d'être ensemble en grand nombre, va avoir un effet d'amplification du jugement ou de l'intention de la majorité des individus. Si les gens se rassemblent intentionnellement pour une certaine raison... Ils sont solidaires. Donc ils vont être solidaires et puis on va avoir une amplification de cette solidarité d'une certaine manière. Si c'est involontaire, les gens vont subir et ça va être plutôt des émotions négatives qui vont peut-être ressortir, comme le fait d'être mécontent, par exemple, parce que le trafic piétonnier n'est pas assez bon ou ce genre de choses. Et ouais, d'une manière générale, ça va entraîner un effet d'amplification, un effet de loop. Alors, quelle est donc la place de la psychologie dans vos études? Vous avez parlé de la physique, et quand on fait de la psychologie, on découvre quoi? En vous lisant, appris des choses qui m'ont étonné. Par exemple, on parle pas de foule, mais de petite collectivité, la famille. Par exemple, quand un repas de famille dure longtemps, les gens mangent moins. Alors c'est quand je suis arrivé donc dans un laboratoire de psychologie, donc mon parcours c'était donc éthologie, puis physique, puis psychologie, donc j'ai vraiment fait les trois disciplines. Aujourd'hui je suis donc à l'Institut Max Planck dans un laboratoire de psychologie. J'ai commencé à découvrir ce que faisaient mes collègues, et mes collègues étudient aussi le comportement des individus plutôt à l'échelle individuelle, ils s'intéressent moins à la foule, mais il y a aussi des interactions sociales et aussi la dynamique d'un petit groupe et puis d'un groupe un petit peu plus grand. Il y a effectivement les dynamiques familiales. J'ai une collègue qui étudie les comportements alimentaires et qui va voir dans quelle mesure on peut être influencé par la façon dont mangent nos proches et la façon dont ça va se répercuter sur notre propre comportement. Et effectivement, on se rend compte que les comportements alimentaires ont quelque chose de contagieux. D'ailleurs, il y a une étude, cette fois-ci à l'échelle d'une foule énorme, qui a été menée par un médecin qui s'appelle Nicolas Christakis, qui a montré que... Des critères, des facteurs comme le fait d'être en surpoids ou d'être obèse sont contagieux, vont avoir tendance à se propager d'une personne à une autre. À condition qu'elle soit de même sexe. Alors la contagion, effectivement, ne circule pas entre n'importe quel paire d'individus. Si un homme a un ami masculin qui devient obèse, il a plus de chances de grossir. Effectivement. Alors, si c'est une de ses amies au féminin, l'effet est nul. Exactement. Ouais. En ce qui concerne l'obésité et l'indice de masse corporelle, les chemins de la circulation de ce comportement sont plutôt orientés de même sexe, comme si les standards de la beauté physique, en quelque sorte, allaient transitionner plus facilement entre les individus de même sexe. Mais il y a d'autres comportements qui sont également contagieux et puis qui vont être contagieux. Alors pourquoi est-ce que si les repas de famille durent longtemps, on mange moins que s'ils sont rapides? Parce qu'on atteint un niveau de satiété plus rapidement, en fait. Enfin, pas plus rapidement, mais parce qu'on va atteindre un niveau de satiété au bout d'un moment et qu'on va pas avoir envie de manger tout ce qu'il y a sur la table. Alors il y a d'autres expériences que vous relatez, faites par vos collègues psychologues, qui sont assez effrayantes, qui montrent que par exemple la triche et l'honnêteté sont contagieuses. Il y a cette expérience où on demande à des personnes isolées, auxquelles on donne un dé à 6 faces, de tirer au sort un des chiffres, et elles sont récompensées en argent en proportion du chiffre obtenu. En fait elles sont filmées, et on voit que dans la plupart des cas elles mentent. Elles donnent des chiffres plus élevés que ceux qu'elles ont obtenus pour avoir plus d'argent. Mais si on pose la même question à des nonnes, elles vont aussi mentir, mais dans l'autre sens. Pour ne pas être soupçonnées d'avoir triché, elles vont donner des chiffres plus bas que ceux qu'elles ont obtenus. Ça paraît incroyable. C'est exact. Vous avez tout résumé. Donc c'est. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est tout à fait. C'est pas un fake. Non, c'est pas un fake. La référence est à la fin du livre. Les références. Et donc j'ai un collègue effectivement qui étudie le comportement de triche. Et comme vous l'avez résumé, il demande à ses participants de lancer un dé. Alors les participants sont pas filmés. Ils le savent et on est honnête sur ce sujet. Ils sont pas filmés. Et on leur dit juste lancez le dé, dites-nous le chiffre. Et si vous avez un chiffre élevé, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Puis si vous avez un chiffre bas, vous allez recevoir pas beaucoup d'argent. Et les gens lancent leur dé en cachette et ils reviennent. Et ils disent j'ai fait 6, j'ai fait 5, j'ai fait 6. Puis si on regarde la distribution statistique des chiffres qui sont sortis. Ah, c'est comme ça qu'on voit qu'ils ont menti. C'est comme ça qu'on voit qu'ils ont menti. On se rend compte que les 5 et les 6 apparaissent beaucoup plus souvent que les 1 et les 2. Et de manière opposée, si on fait l'expérience avec des gens qui ont une certaine morale ou une morale un peu différente, comme par exemple des nonnes, et ben on va avoir cette fois-ci une distribution qui est orientée vers les 1 et les 2 plutôt que les 5 et les 6. Donc les nonnes qui ont une certaine idée de la morale, disons, mentent pour ne pas être soupçonné de ne pas mentir. C'est exact. Là où ça concerne le comportement des foules, c'est que lorsqu'un participant triche de manière ostensible devant un autre participant et reçoit sa récompense, malgré le fait qu'il ait triché, ça va entraîner une tendance à la triche supérieure pour les participants suivants qui l'ont observé. Comme si le fait de tricher était contagieux. Et en fait, c'est cette idée de contagion sociale qui est extrêmement importante quand on étudie le comportement des foules, à savoir que tout se propage. Absolument tout. Et ça va avoir des conséquences à l'échelle collective, à l'échelle de la structuration de notre société, d'une façon ou d'une autre. La corruption, par exemple, dès lors qu'elle est connue, a un effet d'entraînement dans d'autres secteurs, par exemple. Absolument. La corruption concerne ces recherches, par exemple, sur la triche. Est-ce que vous aimez la musique, Mehdi Moussaïd? Oui, j'aime beaucoup. Alors, on va écouter un morceau que vous avez choisi, qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est Radiohead, c'est tout ce que c'est. Everything in its right place. Said Radiohead, Everything in its right place. J'ai senti que vous aimiez cette chanson, mais pourquoi ? D'abord, à titre personnel, c'est une chanson qui me touche beaucoup, que j'ai beaucoup écoutée. Si on veut faire une petite connexion avec ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un titre sur une personne qui a l'air d'être complètement obsédée par l'ordre et qui cherche en permanence à ordonner les choses et qui n'y arrive pas. Et puis, dans un certain sens, c'est un petit peu ces histoires de foule dont je vous racontais, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'auto-organisent, qui s'ordonnent, mais que parfois il y a des dilemmes sociaux qui font que tout va se désorganiser. Et moi, devant mes analyses, je m'arrache les cheveux à ce moment-là. Donc, il y a encore des choses à comprendre sur les foules, mais vous avez quand même identifié des phénomènes intéressants. Par exemple, si je regarde un peloton du Tour de France ou d'une course de cycliste quelconque, je vois que le front du peloton, c'est un V avec la pointe vers l'avant. Pareil pour des vols d'oiseaux. Or, vous avez remarqué que quand des piétons circulent en foule, mais avec une densité qui n'est pas trop grande, des amis, par exemple, marchent ensemble, ils forment un V, mais la pointe est vers l'arrière. Comment est-ce que vous l'avez observé ? Donc effectivement, c'est une étude que j'ai conduite pendant mon doctorat, et c'est les fameuses données que j'ai observées depuis le toit du Capitole. On s'est rendu compte que dans une foule, les gens n'étaient pas seuls. La plupart des gens, la majorité des gens, sont accompagnés par des amis, par une famille, se déplacent en petits groupes de 2, de 3 ou de 4 personnes. Et comme personne n'avait étudié la structure de ces groupes jusqu'à présent dans la littérature scientifique, on est allé étudier comment se déplacent des groupes ensemble, et on a observé qu'ils forment une configuration de marche en V, donc avec la pointe vers l'arrière. Mais c'est des milliers d'heures de visionnage, j'imagine. Peut-être pas des milliers d'heures, mais des centaines certainement. Et c'est une découverte, la pointe vers l'arrière, que je trouvais assez insignifiante au début, jusqu'à ce que j'en parle à mes collègues physiciens. Et mes collègues physiciens trouvaient ça absolument génial, parce qu'ils me disaient, mais... C'est un système où les modèles physiques qu'on possède vont prédire que le groupe va se structurer avec la pointe vers l'avant, parce que c'est quelque chose qui est très aérodynamique, de la même façon que s'organisent les oies sauvages, ou qu'on va concevoir la pointe d'une voiture, par exemple, avec la pointe vers l'avant, parce que c'est aérodynamique. Mais les piétons, eux, font le contraire. Et par conséquent, tous les modèles, toutes les connaissances qu'on avait, qui étaient issues de la physique, ne marchaient plus, et c'est même exactement le contraire. Et on a compris que cette organisation avec la pointe vers l'arrière était en fait due à la nature des interactions sociales qu'il y a entre les individus à ce moment-là. Le fait de marcher en V, c'est une configuration qui va nous permettre de parler les uns avec les autres et de nous voir. C'est ce qui est plus facile à ce moment-là en réalité. Et d'avoir tous les autres dans le champ visuel. Et d'avoir tous les autres dans le champ visuel par un simple mouvement de tête. Et du coup, c'était conceptuellement très intéressant, parce que là, on avait vraiment ce conflit entre plusieurs disciplines, les sciences comportementales, sociales, qui vont nous dire pointe vers l'arrière, et puis les sciences physiques qui vont nous dire pointe vers l'avant. Et dans ce contexte, les piétons vont avoir la pointe vers l'arrière. Mais par contre, d'un point de vue physique, ça va avoir des conséquences, puisque le fait qu'ils se déplacent comme ça, ça va ralentir l'ensemble du groupe. Donc les piétons, dans cette densité, favorisent leurs interactions sociales au détriment de l'efficacité du trafic piétonnier. Quelles conséquences ça a sur la façon de modéliser les foules de piétons? Ça veut dire que les modèles physiques un peu triviaux ne fonctionnent pas? Ça veut dire qu'il faut avoir les deux perspectives dans les modèles. Et que, effectivement, plus la densité va augmenter, plus on va mettre du poids sur l'aspect physique de la modélisation. Et puis, plus la densité diminue, moins on va en mettre, et plus on va souligner l'aspect comportemental. Quelle est la part du mimétisme dans le comportement d'une foule? Vous dites quelque part dans votre livre que les pas dans la neige peuvent avoir un effet boule de neige. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais avec mes collègues biologistes qui étudient la façon dont les fourmis forment leurs pistes de fourragement. Et puis, vous savez, elles utilisent des phéromones, qui sont des petits composants chimiques qui vont attirer les autres fourmis. Quand une fourmi a découvert une source de nourriture, elle laisse derrière elle une petite traînée de phéromones, puis ça va attirer les autres fourmis derrière, et comme ça, toute la colonie peut se coordonner pour aller ramasser cette nourriture. Et on s'est dit, les phéromones, c'est un petit peu comme les empreintes de pas que les piétons laisseraient derrière eux quand ils marchent, par exemple, dans la neige ou sur une pelouse. Et ces empreintes de pas vont attirer les autres piétons, qui vont renforcer la piste. Et petit à petit, on va voir émerger des pistes de piétons dans les parcs. Vous savez, on en voit parfois dans les campus universitaires, par exemple. Et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la topologie de ces réseaux de pistes et se sont rendus compte qu'ils étaient extrêmement efficaces. À savoir que ces réseaux de pistes vont connecter les endroits les plus fréquentés par les chemins les plus courts. Et que donc, plutôt que de laisser les urbanistes faire un réseau de chemins qui serait parfaitement perpendiculaire, on pourrait par exemple juste poser une pelouse vierge sur un endroit nouveau, et puis laisser les piétons eux-mêmes, laisser la foule, laisser l'intelligence collective déterminer quel doit être le réseau le plus efficace. Et elle va optimiser simplement par une sorte d'intelligence collective, du coup. Oui, c'est ça. Et ce qui est super intéressant... parcours. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réseau qui va émerger est dynamique, parce que l'herbe peut repousser, ou la neige va avoir tendance à tomber, puis à effacer les pistes existantes. Si bien que si l'environnement change, par exemple si la station de métro se déplace, ou si on ouvre un nouveau restaurant, eh bien le réseau de pistes va s'adapter aussi en conséquence. Et si rien ne change, est-ce qu'on va retrouver la configuration de l'année précédente? A priori, oui, toujours la même. D'ailleurs, ça se voit sur les réseaux de pelouse, où la durée de vie est beaucoup plus longue. Est-ce qu'on comprend bien, quand on est foulologue, ce qui se passe lors d'une bousculade? On connaît des exemples tragiques, hein. Vous citez longuement dans votre livre le pèlerinage de la Mecque, où il y a parfois plusieurs centaines de morts, parfois plusieurs milliers même, à cause de bousculades. Est-ce que c'est un phénomène qu'on comprend bien physiquement? Ouais, c'est un phénomène qu'on comprend de mieux en mieux. Et en particulier, il y a une année charnière qui était 2006. Et avant 2006, on avait encore un petit peu de mal à savoir pourquoi ou comment les gens venaient à s'entretuer pendant une bousculade. Et en 2006, il y a eu un accident, un mouvement de foule meurtrier à La Mecque qui a fait 360 victimes et qui a été filmé par des caméras de surveillance. Et les images ont pu être étudiées par les chercheurs et en particulier un de mes directeurs de thèse. Donc j'étais tout jeune doctorant à ce moment-là, qui a remarqué que il existait des seuils de densité critique. En particulier, il y en a un qui se trouve autour de 6 ou 7 personnes par mètre carré, à partir duquel émergent spontanément des mouvements collectifs inattendus. 6-7 personnes par mètre carré, c'est à peu près le moment où les gens commencent à se toucher. Et quand les gens se touchent, ils vont véhiculer des forces physiques d'une personne à l'autre. Par exemple, je peux être bousculé par mon voisin de droite et tomber sur mon voisin de gauche, qui lui-même va tomber sur son voisin de gauche, etc. Ça va former une sorte de vague de bousculade. Et les vagues de bousculade, il n'y en a pas juste une, il va y en avoir plusieurs qui vont se déplacer dans toutes les directions à travers la foule, qui vont avoir tendance à se croiser. Comme une houle, on pourrait dire. Comme une houle, exactement. D'ailleurs, on appelle ça des turbulences, et l'analogie avec les fluides est marquante ici. Et ce sont ces vagues qui font chuter les individus et qui vont leur faire subir des pressions physiques écrasantes. Et ce phénomène de turbulence a été ensuite observé dans la plupart des accidents, des mouvements de foule qu'on a pu étudier, comme par exemple celui de la Love Parade, qui est un festival de musique électronique, où en 2010, il y a eu un accident à Duisbourg qui a fait 21 victimes. Donc on commence à comprendre bien maintenant Alors, à La Mecque, l'accident tragique que vous évoquez, c'était 9 personnes par mètre carré. Ça équivaut à 14 personnes debout dans une baignoire, à 38 sur une table de ping-pong, c'est énorme. Est-ce qu'on connaît des moyens d'éviter ce genre d'augmentation brutale de la densité qui fait que les individus sont complètement prisonniers, n'ont plus aucune liberté de mouvement et meurent par asphyxie? Alors, c'est très difficile. Parce qu'il y a les parades. Voilà. Ouais, alors, c'est très difficile. Donc, ce qu'il faut, évidemment, c'est contrôler la densité d'individus pour éviter qu'on atteigne ces seuils critiques. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que la densité, ce n'est pas juste le nombre de personnes divisé par l'espace disponible. Si on fait ça, on va se rendre compte que les densités qui sont observées sont en fait très faibles. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que les gens ne sont pas uniformément répartis sur le site. Et donc, on peut avoir, même avec très peu d'individus, une densité très importante si tout le monde va au même endroit, au même moment. Et typiquement, à La Mecque, il y a par exemple un pont dont l'embouchure est un goulot d'étranglement qui va avoir tendance à provoquer des pics de densité. Et c'est autour de ces endroits qu'on trouve les densités que vous avez évoqué, qui vont jusqu'à 9 personnes par mètre carré. Une fois que le phénomène de turbulence est en place, on ne sait pas trop quoi faire. C'est très difficile de l'arrêter. Donc, on ne doit pas s'opposer à ce mouvement quand on est dans la foule même, puisque ça créerait des pressions encore plus grandes. Alors, si vous êtes personnellement impliqué dans un mouvement de turbulence, il est recommandé de ne pas lutter contre les pressions que vous allez subir, mais plutôt de vous laisser porter par la vague. Et vous dites de ne pas crier non plus pour ne pas perdre le peu d'air qu'on a dans les poumons. La ressource qui va venir à manquer pendant une bousculade ou un mouvement de foule, c'est effectivement l'oxygène. La plupart des gens subissent des asphyxies. Et à ce moment-là, donc, il est conseillé d'économiser votre oxygène. De la même façon, essayez coûte que coûte de ne pas perdre l'équilibre, parce qu'on se rend compte que les premières victimes sont celles qui chutent et qui vont créer par effet domino la chute de leurs voisins. Et qu'est-ce qu'on comprend? Je pense que c'est à peu près la même chose. Ce qui se passe dans les phénomènes de panique, par exemple un incendie dans un cinéma ou bien dans d'autres lieux fermés, on observe que plus les gens sont pressés, plus ça bouchonne et que ça peut conduire à des comportements mimétiques qui sont ravageurs du point de vue de la gravité des phénomènes en question. Oui, effectivement, il y a une situation qui est très étudiée, c'est celle de l'évacuation. Donc vous avez un certain nombre de personnes dans une pièce et puis ils doivent tous sortir par une porte. Et puis on veut se demander comment se passe l'évacuation, combien de temps ça va mettre et quel est l'impact, par exemple, de la largeur de la porte. Il y a des expériences qui ont été conduites, c'est assez facile de conduire une expérience où on observe les gens sortir. Et on se rend compte systématiquement que c'est assez contre-intuitif. Plus les gens se dépêchent pour sortir, moins l'évacuation sera efficace. C'est un peu bizarre. Si les gens vont vite, ça sort moins vite. Mais en fait, les physiciens, ils ont aucun problème avec ça, parce que c'est un phénomène qui est observé aussi dans la matière inerte. Essayez par exemple de verser un paquet de riz à travers un entonnoir, et vous allez vous rendre compte que si vous versez trop vite, ça va sortir moins vite, parce que vous allez créer des petits frottements entre les grains qui vont créer des petits bouchons et ralentir la sortie. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle le faster is slower, donc le plus vite, c'est plus lent, en français. Il y a des urbanistes qui se sont rendus compte, en réalité des physiciens, qui se sont rendus compte que, mais en fait, il y a une façon de faire en physique qui est de diviser le flux juste devant le goulot d'étranglement pour un peu dissiper son énergie et réduire ses frottements entre les particules. Et on s'est demandé, est-ce que ça pourrait être la même chose avec les gens, puisque les deux systèmes sont très similaires. Et effectivement, ça marche plutôt bien. On peut placer, par exemple, un poteau quelques mètres devant la sortie, devant l'issue, pour diviser le flux de piétons, et on se rend compte qu'effectivement, à ce moment-là, les bouchons sont moins nombreux et l'évacuation est plus efficace. Mais s'il y a plusieurs issues de secours, comment faire pour que les gens répartissent les flux de façon à ce qu'elles soient toutes utilisées? Parce qu'on observe souvent que c'est la même qui est choisie par tout le monde. Ouais, ça c'est un problème effectivement. C'est le fait que il y a énormément d'imitations à ces moments-là. Donc quand on doit prendre des décisions rapides en situation d'urgence, on a tendance à s'appuyer sur ce que font nos voisins. C'est un raccourci cognitif, ça permet d'aller plus vite. On fait l'hypothèse que nos voisins ont des informations et puis on fait la même chose. Ça évite de prendre un risque en faisant quelque chose de seul. Mais ça pose des problèmes durant les évacuations parce que si vous avez plusieurs sorties et que les gens s'imitent les uns les autres, ils vont tous finir autour de la même sortie. Ça va créer des encombrements qui sont complètement inefficaces puisque à côté, vous pouvez avoir une autre sortie qui sera sous-utilisée. Donc d'une manière générale, on va avoir tendance à suggérer aux architectes et aux urbanistes, par exemple, d'avoir plutôt une grande sortie très large et très visible qui aurait suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde plutôt que plusieurs petites où on risquerait d'avoir tout le monde qui s'agglutine autour d'une des deux sorties. Mais est-ce que ça se passe mieux, Mehdi Moussaïd, quand les gens ont conscience du danger? Vous citez l'exemple de l'évacuation des deux tours après l'attentat du 11 septembre 2001, où semble-t-il, d'après les témoignages des rescapés, ça s'est plutôt bien passé. Les gens sont descendus de plusieurs dizaines d'étages pour la plupart, sans qu'il y ait de panique, avec une autoroute de piétons qui descend, qui laissait la place pour les pompiers qui, eux, essayaient de monter. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de panique, en tout cas pas de désorganisation des flux. Alors pendant très longtemps, dans les années 90 et au début des années 2000, on parlait de panique. À chaque fois qu'il y avait des bousculades, on disait « Ah, la foule a paniqué ». Et on se rend compte depuis maintenant une dizaine d'années, et principalement grâce à un chercheur qui s'appelle John Drury, qui consacre énormément de temps à l'étude de cette question, que dans les situations d'urgence, la panique est généralement inexistante. Elle est très minime, et que les piétons vont avoir tendance à se comporter de manière tout à fait solidaire, avec beaucoup d'entraide. Il y a eu des études, par exemple, sur l'évacuation du 11 septembre, qui est probablement la plus monumentale qui ait jamais eu lieu, donc près de 17 000 personnes qui descendent jusqu'à 90 étages à pied. Et on se rend compte que les gens descendent sans paniquer. C'est quelque chose qui est vrai dans différentes situations. En fait, l'entraide est très vraie. Il y a une étude de psychologie qui concerne cette fois-ci les individus, qui va montrer que plus les gens sont sous pression, que ce soit une pression de temps, donc ils doivent décider rapidement, ou une pression financière par exemple, plus ils vont avoir tendance à être altruistes envers les autres. Alors qu'au contraire, quand on leur laisse le temps de réfléchir, ils vont se comporter de manière plutôt individualiste. Comme si notre cerveau était codé initialement pour qu'on soit bon avec notre prochain. Donc l'équipage du Titanic a commis une erreur en faisant croire aux passagers que c'était un exercice de routine? Exactement, ce qu'on recommande maintenant, c'est que plutôt que de mentir aux individus en leur faisant croire qu'il n'y a pas urgence, il faut plutôt miser sur la sagesse collective et puis faire confiance aux gens qui se trouvent dans ces situations comme étant les premiers interlocuteurs des secours. Qu'est-ce que vous appelez, Mehdi Moussaïd, la loi des 5%? C'est une découverte qui nous vient de l'éthologie animale et en particulier de l'étude des bancs de poissons. Les bancs de poissons, vous les voyez, ils se déplacent en banc et puis on se demande, ils sont un grand nombre d'individus, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers pour certaines espèces, et on se demande mais comment le banc décide dans quelle direction aller? Est-ce qu'il y a des leaders dans ce banc de poissons? Et les expériences qui ont été conduites, donc vraiment avec un aquarium dans lequel on met des poissons, et puis on donne une information à un certain nombre de poissons dans le banc. Donner une information, ça veut dire les conditionner pour apprendre qu'il y a une source de nourriture à un certain endroit, par exemple. Et on veut voir si quelques individus dans le banc sont capables d'entraîner tout le groupe dans une certaine direction. Et les chercheurs se sont rendus compte, à l'aide de théories, de modèles, de simulations, puis après avec des expériences, qu'il suffit d'une faible proportion d'individus informés pour entraîner tout le groupe dans une certaine direction. Cette proportion se trouve autour de 5 à 10%. Et plus le banc est important, plus l'entraînement va être facilité, en quelque sorte. C'est dans une certaine mesure des découvertes qu'on retrouve aussi chez les piétons. Il y a des expériences qui ont été conduites où on se rend compte, effectivement, de la même façon qu'une faible proportion, autour de 5 à nouveau, % d'individus informée peut être suffisante pour conduire le groupe dans une direction souhaitée. Ça veut dire que si dans une foule, 5 personnes des gens, une foule qui marche, 5% des gens se mettent à courir, ça va avoir un phénomène de contagion qui va faire que toute la foule va courir? Alors c'est plus compliqué que ça, parce que le contexte a un impact très très important. Si vous êtes dans une ambiance un petit peu anxiogène, comme par exemple après une série d'attentats terroristes, comme c'était le cas à Paris le 15 novembre sur la place de la République, où il y a eu un mouvement de panique très important qui s'est déclenché. Effectivement, une faible proportion d'individus sera suffisant pour entraîner le groupe dans un certain comportement. Mais dans un contexte où il n'y a pas de danger évident. Par exemple, vous avez une expérience qui a été conduite dans une salle de cinéma où on déclenche l'alarme pour de faux, donc c'est une expérience pour voir si les gens vont évacuer rapidement ou non. Et là, c'est exactement l'inverse qui se produit, à savoir que les gens ne s'attendant pas particulièrement à ça, vont avoir tendance à s'entraîner, mais dans le comportement inverse, dans le fait de ne pas évacuer, ce qui est un problème en réalité, ça entraîne des délais en termes d'évacuation et donc plus de dangers. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous écrivez quelque part dans votre livre « L'avenir de la fouloscopie se jouera en version Pandora ». Alors, la fouloscopie, c'est votre discipline, l'étude des foules. Qu'est-ce que ça veut dire? Par allusion au film? Oui, c'est une référence qui vient du film qui est sorti en 2009, qui s'appelle Avatar, et dans lequel on a des individus qui, plutôt que de se lancer dans une jungle hostile eux-mêmes, vont en réalité envoyer un avatar, donc un double d'eux-mêmes dans une jungle hostile. Et c'est en regardant ce film qu'une idée m'est venue, pour étudier les situations d'urgence. Je me suis dit, plutôt que d'avoir des participants dans les expériences qui font vraiment une évacuation d'urgence et qui, c'est un peu difficile parce qu'on pourrait pas les mettre dans des situations réellement dangereuses, on pourrait essayer d'utiliser une sorte d'avatar pour mettre un double d'eux-mêmes dans une situation d'urgence. Et on pense évidemment à la réalité virtuelle. On a conduit ces expériences il y a 2 ans ou 3 ans, où on a une foule de participants qu'on invite au laboratoire et puis on leur met un casque de réalité virtuelle ou bien ils sont assis devant un écran d'ordinateur et on va les immerger en même temps dans un monde virtuel partagé. Donc ils sont physiquement debout dans le laboratoire ou assis au laboratoire, mais ils sont virtuellement dans un monde virtuel. Et ils y sont ensemble, à savoir que si quelqu'un fait un déplacement, tous les autres peuvent le voir. Et on peut les immerger comme ça, par exemple, dans un bâtiment, et puis créer une vraie situation d'urgence, par exemple avec un incendie, et voir comment la foule va évacuer. Ça nous permet d'avoir un peu plus de liberté, de pousser un petit peu les situations vers les situations les plus extrêmes. Où étiez-vous, Mehdi Moussaïd, dans la nuit du 13 mars 1964? Ah, vous n'étiez pas né. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un événement qui a abouti à une découverte scientifique, on pourrait dire, non? Ouais, c'est un fait divers qui se passe à New York. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Kitty Genovese et qui se fait assassiner dans la rue sous l'œil de 38 témoins qui sont restés impassibles. Le fait divers. Enfin, elle a été suivie par un homme pendant de longs kilomètres, je crois. Oui, absolument. Beaucoup de gens l'ont vu passer, ont vu qu'elle était menacée. Et personne n'est intervenu. Et au final, l'homme l'a assassinée. C'est un psychopathe. Et ça a fait la une des journaux, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi les gens regardent cette victime visiblement se faire agresser et puis assassiner sans bouger? Ça a conduit à des questionnements scientifiques, et en particulier un chercheur qui s'appelle Bib Latané, qui s'est demandé, mais est-ce qu'on pourrait reproduire cette situation en expérience? Et donc il a créé cette expérience où il invite un participant pour une fausse raison, le participant pense qu'il va faire une expérience de psychologie autre, et pendant cette fausse expérience, un des autres participants a un malaise, et les autres participants reçoivent l'instruction de ne pas bouger. Et on va voir si cette première personne va effectivement se porter au secours de la personne qui a un malaise ou non, en fonction de la taille du groupe qui ne bouge pas. Et il remarque effectivement la participante qui est observée ou le participant qui est observé ne va pas aider celui qui a un malaise, en particulier dû à la présence des autres qui restent impassibles. Donc il a réussi à reproduire cet effet qu'on appelle l'effet du témoin, à savoir le fait que si vous êtes entouré de gens qui ne se portent pas au secours ou qui ne bougent pas, mais vous allez avoir tendance à faire la même chose. Plus récemment, on s'est rendu compte que c'était un effet de contagion sociale assez classique dans le fond, puisque l'effet marche aussi dans l'autre sens, à savoir que si vous êtes entouré de gens et que quelqu'un se porte au secours de la victime, eh bien, il va avoir tendance à entraîner derrière lui des gens vers un comportement d'entraide. Donc que ce soit l'entraide ou l'individualisme, les deux faces peuvent être contagieuses. Ça veut dire que la foule inhibe le bon samaritain qui sommeille en nous, dans beaucoup de situations? Dans beaucoup de situations. Et mais si quelqu'un change la donne, alors tout le monde se précipite pour l'aider. Voilà, mais elle peut aussi le réveiller, parce que ça va dans les deux sens. Mais est-ce que ça a des conséquences en termes d'éducation Le fait d'avoir découvert ce phénomène, est-ce que ça peut aboutir à formuler des consignes, par exemple? Je dirais personnellement, même si j'ai pas d'informations précises, que effectivement, chacun a le pouvoir d'entraîner la foule dans un certain comportement. Si vous restez impassible, vous allez avoir tendance à entraîner le groupe à rester impassible à son tour. Mais si vous y allez, vous allez avoir tendance à entraîner des gens derrière vous. Donc, finalement, on pourrait donner des instructions en disant soyez bon, soyez solidaire, et il y a fortes chances pour que vous ne soyez pas seul. Le comportement d'une foule peut dépendre du comportement d'un seul de ses composants, ou d'une certaine proportion. En tout cas, on parlait de la loi des 5%. Ça, c'est un peu angoissant. Et pourtant, vous parlez à la fin de votre livre d'une sagesse des foules. Qu'est-ce que c'est que la sagesse des foules? C'est sur un thème complètement différent. C'est sur celui du fait de... la sagesse des foules, c'est un phénomène assez intriguant, qui est le fait que un grand nombre d'individus peut être amené à porter un jugement qui est très précis, mais d'un point de vue collectif, alors que les individus eux-mêmes vont se tromper. L'anecdote, enfin l'histoire en tout cas, est celle d'un intellectuel du 19e siècle qui s'appelle Francis Galton, et qui était persuadé qu'il parlait beaucoup de bêtises collectives, et qui voulait mesurer cette bêtise collective. Il pensait que les gens n'étaient pas capables de porter des jugements collectifs, et en particulier quand ils sont ensemble. Il s'est rendu à une foire agricole en Angleterre, au début du 20e siècle, et il a demandé à un grand nombre d'individus s'ils étaient capables d'estimer le poids d'un bœuf qui se trouvait là. Et Francis Galton disait, s'ils sont même pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, comment pourraient-ils élire un président ? Lui, il était contre les principes démocratiques. Et il a fait ses mesures, et puis il revient dans son laboratoire, et il regarde, et il constate avec satisfaction que tous les individus se trompent individuellement. Certains surestiment largement le poids de la bête, d'autres le sous-estiment largement. En gros, les individus disent n'importe quoi. Mais il fait une découverte assez intrigante. Il se rend compte que quand on calcule la moyenne ou la médiane de toutes les estimations, on tombe sur une valeur qui est très proche de la valeur exacte, de la bonne réponse. Et ça, c'est ce qu'on a appelé un siècle plus tard l'effet de la sagesse des foules. À savoir qu'en agrégeant un grand nombre de jugements, on va pouvoir trouver une valeur qui est très proche de la bonne réponse. C'est un effet statistique. Mais ça marche pour quel genre de questions? Parce que j'imagine qu'il y a des cas où c'est quand même faux. Alors ça marche pour... Si on demande aux gens d'estimer la hauteur de la tour Eiffel, ça doit marcher? Ça va marcher très très bien. Vous pouvez demander aux gens, j'ai les questions les plus insolites que j'ai posées aux gens, c'était par exemple d'estimer la température de fusion de l'aluminium. Personne n'a aucune idée. Certaines personnes disent 20 degrés, d'autres disent 20 000 degrés. Mais en calculant la moyenne ou la médiane, on tombe autour de 660 degrés, qui est effectivement la bonne réponse. Si on prend l'âge de l'univers? Alors, quand on change d'échelle de magnitude, ça devient de plus en plus compliqué, parce que là, les gens vont effectivement avoir tendance à se tromper avec plusieurs zéros derrière, et là, ça va devenir un petit peu complexe. La mécanique qui est derrière est assez simple, hein, c'est juste un effet statistique. Il se trouve que la probabilité pour qu'on tombe sur quelqu'un qui surestime la bonne réponse d'un certain écart est la même que de tomber sur quelqu'un qui la sous-estime du même écart. Et par conséquent, quand on est à l'échelle d'une foule et qu'on agrège tout ça en utilisant la médiane ou la moyenne ou d'autres techniques plus sophistiquées, eh ben, on va réussir à atterrir quelque part autour de la bonne réponse. Il faut pour ça quand même que les individus aient une toute petite intuition de quelle valeur, grosso modo, on va trouver. Est-ce que vos travaux, Mehdi Moussaïd, intéressent le marché, le marketing? Gustave Lebon disait, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous considérez qu'il a été un précurseur, mais il disait, qui connaît l'art d'impressionner l'imagination des foules connaît aussi l'art de les gouverner. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut manipuler les foules? Oui, c'est très vrai. Alors il y a deux aspects là. On parle de manipulation et on parle de marketing. Donc en termes marketing d'abord, par exemple, ça intéresse beaucoup, et en particulier autour de tous les systèmes de notation qu'on retrouve aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. On note des restaurants, on note des films, on note les produits qu'on a achetés en ligne. On peut même noter des personnes, on peut noter son médecin ou son pharmacien. Et cette notation, elle est collective, c'est un jugement collectif, et ça a une influence extrêmement forte sur le développement économique de l'individu ou de l'entreprise qui est notée. Donc ça va avoir un effet très important. Et donc il y a beaucoup de chercheurs, et en particulier de chercheurs dans le domaine appliqué, qui s'intéressent à comment les gens notent les produits qui les entourent. En termes de manipulation, il y a effectivement une dimension très importante, qui est celle de la propagation des informations, et comprendre comment se propagent les informations, et éventuellement produire des informations qui sont pas nécessairement vraies, est un moyen extrêmement efficace de contrôler le jugement et l'opinion collective. Les fake news se propagent plus rapidement que les vraies nouvelles. Alors c'est une découverte très récente que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est des chercheurs qui ont constaté que, en comparant la véracité d'une information à la façon dont elle se propage, ils ont remarqué que les informations qui sont plutôt fausses ont tendance à se propager plus vite et plus loin et plus profondément dans le réseau que celles qui sont plutôt vraies. Cette dépendance à vrai, faux, est probablement due au fait que les informations qui sont fausses sont plus surprenantes et font appel à des émotions qui sont un peu plus puissantes et par conséquent elles vont se propager plus vite. Merci Mehdi Moussaoui de nous avoir éclairé sur la psychologie et la physique des foules. Je ne sais pas si vous connaissez Yogi Berra, qui est un grand joueur de baseball, également entraîneur, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était connu pour ses aphorismes, qu'on appelle des bérismes. Et parmi ces aphorismes, il y en a un que je vous livre et qui pourrait susciter votre réflexion. Il disait ceci: c'est un restaurant où personne ne va jamais, car il est toujours plein de monde. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.